Hello, bonsoir, c'est Ludo qui vous emmène. Vous l'aurez deviné, Michael Jackson à l'instant. Wanna be started. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi soir, le vendredi à 22h, le samedi à 22h, le samedi, le vendredi à 21h, le samedi à 22h, ça va mieux dans le bon sens. Bonne soirée à vous. 2 heures de mix non-stop. Si on était plus sur la dance techno hier soir, eh bien là, on va aller sur les années 80, 70, 80, disco et un petit peu de tout. Bonne soirée à vous. 21h et le samedi à 22h sur Sorcia FM.

FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le... Sit up, my girl, the bump fi drop, drop when you keep pressing back, girl. You will blow up this spot, girl. Make me reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, do the thing, do the thing. Dynamite, oh, do the queen of the king. Dynamite, oh, bang, bang, bang, girl. Friday then, it's Saturday, Sunday. Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sunday. Friday FM. Yeah. Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. FM. Le mix de Ludo. When I'm wiser and I'm older, Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. À l'instant, c'était Wake Me Up, Avicii. Petit souvenir. Et petit hommage aussi. Bonne soirée, nous passons l'heure d'émission. Donc il nous reste encore une heure à passer ensemble. Faisons les choses bien. Le mix de Ludo, le vendredi à 21h, le samedi à 22h. Nous sommes samedi. Et là, il est 23h. Bonne soirée à vous. Il nous reste encore une heure à passer ensemble. Une heure pile. FM.

Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgi FM. Sorgi FM. Looking for problems. Sorgia FM. Watch me dance. Watch me dance. Y la gozan, y la cantan. Tu sais, tu Sorgier FM. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgier FM. Ludo in the mix. Thank you. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. FM. Un peu plus près de ces étoiles. Une bonne soirée à l'écoute de Sorgi FM, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, plus précisément à partir de 21h jusqu'à 23h. Sinon rendez-vous samedi à partir de 22h jusqu'à minuit. D'ici là, bon week-end, faites attention à vous si vous sortez, et l'abus d'alcool, dangereux pour la santé. À boire avec modération. Bon, je sais, il y en a qui vont dire, mais c'est qui modération? Même moi je ne sais pas. Allez, bonne soirée, bonne bourre, amusez-vous bien, ciao ciao, bye bye. FM. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgi FM. Never gonna give you up. Why does it feel? plus d'espérance sur ce chemin en ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un écho qui brille vide de sens. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Avec ça qu'on va terminer. Bonne soirée à vous, rendez-vous la semaine prochaine. À l'instant c'était Zoé avec C'est la vie. Rendez-vous vendredi et samedi prochain. Vendredi à 21h et samedi à 22h, comme va dire le monsieur maintenant. Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM.